Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. PP106.3, la jungle des luttes, c'est le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et aujourd'hui, on est le 17 avril et c'est la journée internationale pour les prisonniers politiques. Et on a avec nous du coup Thomas qui va nous parler un petit peu de la question des prisonniers politiques au Mexique. Ouais, du coup, c'était effectivement comme on est le 17 avril, on voulait profiter déjà de cette date pour rappeler que des sujets qu'on a déjà parlé, qu'on a déjà traité, notamment la répression au Mexique qu'il y a eu dans le village natal de Ricardo Flores Magón, qui est une grande icône de la révolution mexicaine, une grande figure du mouvement libertaire au niveau mondial, qui était un anarchiste qui a beaucoup joué dans la révolution mexicaine et dans le slogan Tierra y Libertad, Terre et Liberté, donc qui est né dans un village qui s'appelait Los Xochitlán de Flores Magón, où on a qui est un village qu'on connaît bien aussi parce qu'on a des compas qui en sont originaires, où il y a eu des affrontements très très forts et une répression politique très très dure dans les années, surtout en 2014, mais qui a affronté des choses très très dures parce que les gens s'étaient révoltés contre l'intromission des partis politiques et d'un président municipal qui, en s'appuyant sur ses alliances politiques, a établi une espèce de dictature locale. Et suite aux affrontements qu'il y a eu sur place, il y a eu des dizaines d'arrestations qui avaient été faites, dont un camarade anarchiste qui s'appelle Miguel Peralta. Aujourd'hui encore, il y a toujours 6 personnes qui sont emprisonnées au Mexique depuis maintenant quasiment 8 ans, sans qu'ils aient eu encore leur procès. Donc il y a toujours l'exigence de leur libération des prisonniers donc des Los Xochitlán de Flores Magón au Mexique, donc des prisonniers de la région Mazateca, et aussi l'exigence que les ordres d'arrestation qui sont toujours en vigueur contre Miguel, qui se retrouve aujourd'hui en exil politique, soit abrogé. Donc on va faire circuler incessamment sous peu un appel à soutien, un appel à solidarité pour faire sauter les charges, qu'il y ait en fait un abandon des charges contre Miguel. Et de solidarité. C'est aussi, on parle de Miguel et des prisonniers de la Mazateca parce que c'est l'un des cas emblématiques qu'on suit depuis plusieurs années. On avait fait une lutte pour qu'ils soient libérés de prison, etc. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont menacées. Il y a d'autres prisonniers comme Fidencio, qui est en prison au Mexique depuis quasiment 10 ans. Donc un prisonnier yaqui qui a été arrêté sur la résistance contre les oléoducs. Il y a d'autres prisonniers importants. Il y a Jorge, un compas de l'amphi Che Guevara à la UNAM. Il y a différents prisonniers comme ça. Et il y a Miguel López Vega, qui est menacé là d'arrestation, qui fait partie du mouvement Défense de l'eau des Villages Unis de la région Cholulteca. Ces villages unis, c'est ceux qui ont résisté à Danone, qui avait occupé, exproprié une usine Danone. Et du coup, voilà, le 22 mars dernier, on a fait des actions, enfin aussi en solidarité avec leur lutte sur le siège de Danone et à Saclay. Et voilà, bah, c'est une lutte que vous pourrez retrouver, sur laquelle on aura le temps de reparler. On en a parlé aussi à différents endroits. Et puis là, aujourd'hui, enfin aussi, il y a eu toute la répression à Sainte-Soline, sur laquelle on se solidarise évidemment. Donc toutes ces luttes un peu en défense de l'eau au niveau international. Bon, voilà, on espère faire connaître plus la campagne contre Danone, et puis permettre un peu cette solidarité internationale entre les luttes qu'il faut faire agrandir pour que on puisse lutter contre ce système. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver un peu plus d'informations sur tout ça, à la fois sur notre Facebook du CSPCL et sur notre blog cspcl.ouvaton.org. .org. Merci à tout le monde et pause musicale. Esta es la voz de la gente. Esta es la voz consciente. De conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no. No creemos que puedas darnos eso tú. Verdad contigo, puro bla bla bla, mentiras sin parar, puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la como suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. Es el que dice no más. No falsedad. No sé qué está pasando aquí, tanta violencia, tanta destrucción. Podría salirse de control, el tiempo va deprisa, hay que reaccionar. Despierta, wake up. Estamos armando el poder caracol, escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, el canto de los sin voz, sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los sin voz, la voz de los marginados. Suena la voz de los explotados. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme de radio qui vous est proposé par le CSPCL, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, Et aujourd'hui, on reçoit une membre du réseau de solidarité Cyril Dan. Est-ce que tu veux nous en dire plus un petit peu sur ce réseau et quelles sont vos activités ? Donc, Cyril Dan, c'est un réseau de solidarité avec le Kurdistan, essentiellement. Donc, c'est un réseau internationaliste basé sur les régions francophones pour le moment européennes. Donc, on est en Suisse, en Belgique et en France. Et du coup, on organise des activités qui renseignent sur la situation au Kurdistan, qui renseignent aussi sur le projet politique qui est construit là-bas, etc. Et on essaie du coup aussi de mener des actions de solidarité sur ce sujet-là lorsqu'il y a besoin. Voilà, donc on fait du lien aussi avec les gens qu'il y a là-bas, etc. D'accord, super. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement, on avait parlé dans une émission précédente, là, les mois précédents, un peu plus de l'Iran, des mouvements là-bas. Et on avait aussi parlé justement avec quelqu'un de kurde qui nous racontait un petit peu ce qui se passait dans le Kurdistan plutôt iranien. Et est-ce que là, toi, tu peux nous dire un peu où est-ce qu'on en est au niveau de la situation peut-être au Rojava, après les attaques de la Turquie ou qui sont toujours en cours? Bah, avec la situation, en tout cas en Iran, du coup, c'est la région kurde du Gilat qui peut nous intéresser, en tout cas dans le fait que nous, on fait de la solidarité internationale avec le Kurdistan, mais on fait aussi de la solidarité internationale avec tous les peuples qui sont opprimés en général, mais nous, notre domaine, en tout cas, c'est beaucoup plus sur le Kurdistan. Et en tout cas, ce qui se passe en Iran, alors moi, personnellement, je ne connais pas extrêmement bien la situation et je ne sais pas d'ailleurs là ce qui se passe ces derniers temps parce que j'ai vu de moins en moins d'informations. Ce que je sais, en fait, c'est que le système répressif iranien est extrêmement fort et extrêmement puissant, que toujours la population iranienne, dont les Kurdes du Rojilat, du coup, continuent à résister et à mener des résistances très très fortes contre l'Iran et l'État iranien, qui continue en fait d'exécuter les opposants et opposantes politiques, qui continue d'ailleurs parfois de les gazer ou de les empoisonner avec des gaz, comme ce qui est arrivé assez récemment dans une université iranienne où plusieurs étudiantes ont du coup eu des graves liaisons physiques et psychologiques parce qu'elles ont été attaquées par des gaz qui sont pour le moment inconnus. Et ce qui est assez comique, c'est qu'on suspecte grandement que c'est le gouvernement iranien qui a fait ça, et c'est le gouvernement iranien qui enquête sur cette attaque. Donc on voit bien que ça ne va juste pas aboutir. Et du coup, c'est un peu ça la situation que je connais par rapport au Rojilat. Et je sais qu'il y a de nombreux collectifs de solidarité qui essayent un maximum de faire de l'information sur ce qui se passe là-bas. Pour ce qui est du Rojava et du coup du Bakour aussi, je pense que pour le moment on peut le relier. Donc le Bakour, c'est la région qui est actuellement occupée par la Turquie du Kurdistan. Donc c'est le Kurdistan du Nord. Donc le Bakour et le Rojava ont été vraiment... vraiment, le séisme qui est arrivé du coup il y a plusieurs semaines maintenant est complètement catastrophique et aussi la preuve d'une destruction par l'État turc de ces régions-là et en fait d'un abandon total de ces régions-là, parce que c'est en fait le séisme est une catastrophe naturelle mais aussi une catastrophe politique, parce qu'en fait tous les immeubles qui étaient là-bas étaient complètement délabrés, n'étaient pas traités, il y avait une corruption énorme dans le monde du BTP et en fait ces immeubles étaient complètement insalubres et ne pouvaient pas résister à un séisme d'une telle ampleur en fait, alors qu'il y avait des grandes chances pour qu'un séisme pareil arrive vu que c'était sur une faille sismique. Et au Rojava, du coup, vu qu'il y a un embargo, donc le Rojava, c'est la région, du coup, au nord de la Syrie, qui est, du coup, une région autonome, qui revendique une autonomie et qui essaye de mettre en place, et qui met en place, en fait, un système politique qui est basé sur le confédéralisme démocratique. Et du coup, il y a des Kurdes là-bas, mais il y a aussi des Circassiens, des Circassiennes, il y a des Assyriens, des Assyriennes, des Arabes. Donc il y a en fait plein de populations différentes qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble et qui en fait essayent de créer une autonomisation basée sur une démocratie directe avec des conseils de villages, de communes, de régions, etc. Et donc là-bas, en novembre dernier, il y a eu du coup des attaques aériennes et des bombardements aériens par la Turquie. Donc une invasion aérienne, en gros, qui qui a été donc qui a été accepté par la Russie et les États-Unis, qui sont en fait qui gèrent le domaine, le territoire aérien de cette région-là. Et donc c'est ce qui s'est passé en novembre. Et il y a eu des actions aussi du coup internationales contre ces attaques et contre cette agression en fait. Et du coup, depuis plusieurs mois et en fait depuis très longtemps déjà, il y a des attaques en fait ciblées avec des drones tueurs qui sont contre des personnes importantes de la région, qui en fait sont des révolutionnaires, des cadres politiques, qui font des choses vraiment très très importantes et qui donc sont ciblées par la Turquie et sont assassinées sur le sol du Rojava. Donc c'est un peu la situation globale. Et du coup, actuellement, il y a un peu la peur. Il y a eu la peur, en tout cas, pendant plusieurs mois. Je ne sais pas trop là où est-ce que ça en est actuellement, présentement. Mais en tout cas, il y a toujours la peur qu'il y ait une invasion terrestre. Mais plusieurs analystes et plusieurs personnes disent qu'avec le séisme, Erdogan a perdu beaucoup, beaucoup de soutien. Et du coup, il y aurait moins de chances pour que ce soit le cas. Mais finalement, je ne pense pas qu'on puisse que se baser là-dessus, mais que ça doit être une possibilité et qu'on va en fait pouvoir réagir d'ailleurs s'il y a une attaque à ce niveau-là et une invasion en fait tout simplement terrestre. Donc c'est un peu ça la situation, je dirais. Bah merci beaucoup, c'était super clair. Et du coup, pour faire le lien aussi avec ce qui s'est passé en France il y a peu de temps, en décembre, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette attaque qui a eu lieu en décembre et comment voilà, la communauté kurde a réagi et quelles sont les mobilisations à partir de là? Ouais. Alors du coup, le 23 décembre 2022, il y a eu du coup une attaque terroriste raciste à la rue d'Anguien, là où il y a le centre culturel kurde à Paris. Et en fait... là-bas, il y a eu du coup 3 personnes qui ont été tuées, dont Evin Goui, qui est donc une personne qui a été très très importante et à la base aussi de beaucoup de créations en non-mixité au sein du mouvement kurde. Et donc c'est une personne qui a combattu Daesh et qui a dû venir en Europe pour se faire soigner parce qu'elle a été blessée par Daesh. Et en fait, c'était une personne qui était très, très importante politiquement pour le mouvement kurde et pour l'autonomisation aussi des femmes et pour le féminisme kurde. Et donc, cette personne-là a été assassinée par cette attaque terroriste, hein, parce qu'en fait, les médias français, le ministère de l'Intérieur et le gouvernement français disent que ce n'est pas une attaque terroriste et que c'était juste une attaque non politisé, raciste, alors que c'est évident que c'est une attaque politique parce que attaquer le siège du CDKF, donc le centre, le Conseil démocratique kurde de France, c'est une attaque éminemment politique. Et d'ailleurs, le terroriste disait qu'il avait fait ça contre la communauté parce qu'il les aimait pas, qu'il aimait pas le PKK. Et donc en fait, il y a une logique en fait complètement derrière, qui est éminemment raciste, qui est éminemment terroriste et éminemment fasciste, en fait. Et que c'est extrêmement politique, c'est un geste extrêmement politique qu'il a fait. Et donc, aussi, il y a eu 2 autres personnes qui ont été tuées, donc, dont Mir Berwer, qui est musicien kurde engagé, et une autre personne qui était aussi un kurde de la diaspora kurde, qui soutenait le mouvement kurde en général. Et du coup, cette personne les a attaqués à l'arme à feu, et ensuite a voulu continuer ses attaques et a été neutralisé par des personnes de la rue. Donc il y a beaucoup de commerces kurdes là-bas et le tueur est allé chez un coiffeur et un coiffeur kurde, et les personnes qui étaient là-bas ont neutralisé le tueur, et c'est pas du tout la police d'ailleurs qui l'a fait. Et ce qui est aussi assez fou, c'est que ce centre culturel est extrêmement surveillé en fait par la France, et genre ils n'ont pas du tout essayé d'arrêter une attaque qui pouvait en fait tout à fait arriver facilement. Et en fait, c'est ce centre qui est surveillé pour les militants et militantes qui vivent et qui s'organisent dans ce centre-là, et pas quand il y a des attaques. Et d'ailleurs, quelques jours après, on a retrouvé dans une voiture une balise qui interceptait en gros les appels téléphoniques, les messages et tout. Et cette balise a été détruite par le gouvernement français parce qu'il supposait que c'était une bombe. Donc ça n'a vraiment pas de sens, et il y a quelque chose qui est complètement caché et qui n'est pas du tout clair. clair en fait dans ces attaques-là. Et le lien qui est avec la Turquie par rapport à ce tueur n'est pas du tout clair non plus. Il n'y a pas d'enquête là-dessus. Et d'ailleurs, récemment, il y a eu le profil psychologique du terroriste qui a été mis, qui a été mis dans la presse. Et en fait, ce terroriste ne présente pas en fait de problème psychologique, à part une haine vraiment ultra violente contre les étrangers et contre les migrants. Mais en fait, il était sain d'esprit dans ce sens et il avait tout à fait conscience de ce qu'il faisait. Mmh. Et du coup, c'est d'autant plus choquant. Et ce tueur a aussi été en prison parce qu'il avait attaqué au sabre un camp de personnes migrantes, il me semble, dans les environs de Paris, en banlieue parisienne. Et cette personne-là n'était pas fichée S. Donc, en fait, le gouvernement français fiche les militants et militantes du mouvement kurde, d'autres mouvements aussi, enfin je veux dire des mouvements écologiques, des mouvements LGBTQIA+, les personnes politisées, etc. Mais pas des tueurs racistes et fascistes. Et en fait, du coup, il y a quelque chose qui est extrêmement caché. Et il y a de nouveau, en fait, la France qui refuse de enquêter sérieusement sur ces assassinats-là, comme ils l'ont fait en 2013 avec les assassinats de Sarah, Rojbin et Ronahi, qui étaient encore une fois des figures féministes du mouvement kurde qui étaient extrêmement fortes et extrêmement importantes. Donc Sarah, par exemple, a été une personne qui a été enfermée en Turquie, qui a subi des tortures extrêmement violentes parce que justement elle était féministe et qu'elle travaillait dans le mouvement kurde, qu'elle a été derrière beaucoup de nouvelles structures d'autonomisation des femmes du mouvement kurde, et elle a été assassinée en 2013, encore une fois dans des conditions qui sont extrêmement floues. Et la France refuse de lever le secret défense qui entoure cette attaque et ces assassinats sur ce sujet-là. Et de nouveau, ça se répète. Et du coup, la communauté du Kurde se rend compte que, où qu'elle soit, elle sera attaquée par la Turquie et ne sera pas soutenue par les pays qui la soutenaient qu'au moment où le Kurdistan se battait contre l'ennemi international numéro un qui était Daesh. Et qu'en fait, maintenant, de nouveau, ils les abandonnent, alors que c'est vraiment eux, en réalité, qui ont réussi à stopper Daesh, qui était vraiment le symptôme de la fascisation du monde, mais évident, quoi. Et du coup, la communauté kurde, la diaspora kurde européenne demande justice pour ces 6 assassinats qui sont arrivés en l'espace de 10 ans, ben, quasiment jour pour jour, hein, d'ailleurs. Et du coup, nous aussi, en tant qu'internationalistes, on demande justice pour la communauté kurde qui offre une alternative révolutionnaire et politique extrêmement importante pour le monde international en général. Donc voilà, c'est un peu ça la situation, quoi, je dirais. Mais merci beaucoup. Et justement, pour revenir sur ce coffre au monde, avoir le Rojava, est-ce que tu veux revenir en quelques mots sur qu'est-ce que c'est justement le confédéralisme démocratique et un petit peu ce qui est mis en place là-bas très concrètement dans leur organisation et... Alors, j'avoue, je sais pas si je serais vraiment capable d'expliquer avec grande précision ce qui est mis en place exactement là-bas, mais je vais essayer de faire au mieux en tout cas. Donc, le confédéralisme démocratique, c'est une organisation, enfin un système d'organisation politique qui a été fortement théorisé par le prisonnier politique Abdullah Öcalan. Il a écrit beaucoup de livres sur le sujet et il explique que le confédéralisme démocratique s'oppose à l'État-nation, qui est donc une annihilation totale en fait des particularités culturelles, intellectuelles, linguistiques et aussi des particularités de résistance en fait des différents peuples qui peuvent vivre dans une région, et particulièrement au Moyen-Orient où en fait il y a plein de cultures et de personnes différentes, comme par exemple, juste comme je l'ai dit avant, en Rojava, il n'y a pas que des Kurdes, il y a plein d'autres peuples, etc. Et le but, en fait, c'est de ne pas se dire, pour en fait créer, je ne sais pas, une sorte d'unité, de pseudo-unité nationale, il faut en fait complètement valoriser ces différences culturelles, forte et qui donne en fait beaucoup de richesse en fait à l'humanité en général. Et du coup, l'idée du confédéralisme démocratique, c'est que tous ces peuples vivent ensemble et travaillent ensemble et se politisent ensemble pour s'organiser ensemble aussi en totale autonomie. En fait, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de décentralisation non plus. En fait, le système fonctionne sur la base de communes où les gens se réunissent et décident en fait pour les choses extrêmement simples en conseil de quartier, en conseil de village, etc. Et ensuite, ça augmente jusqu'à la région et jusqu'au pays. Et en fait, les gens décident pour elles ce qu'elles veulent faire. Bah, par exemple, des terres agricoles. Est-ce qu'on laisse les terres agricoles aux grands propriétaires terriens ou est-ce qu'on décide de les communaliser? Et du coup, c'est ces discussions-là. Et en fait, chaque peuple est représenté. Et plusieurs fois, des camarades nous ont raconté des histoires très belles où, par exemple, il y avait juste, par exemple, une personne qui était arménienne dans tout le village, mais cette personne arménienne doit aussi être représentée. Donc, en fait, cette personne faire partie du conseil en tant qu'arménien parce que cette personne arménienne a une autre sensibilité par rapport par exemple aux arabes ou aux circassiens circassiennes. Et du coup en fait chaque personne doit être représentée selon sa culture, selon sa langue et aussi du coup il y a un échange culturel extrêmement fort qui émane de ça et donc il y a cette idée assez totale de décentralisation. Il n'y a pas d'État et il n'y a pas la volonté de créer un État non plus. Et en fait, finalement, le Rojava donc, est inscrit sur une partie territoriale assez définie, mais finalement, si on décide d'adopter le modèle de confédéralisme démocratique même en dehors du Rojava, en fait, on fait partie du coup du confédéralisme démocratique aussi. Et du coup, concrètement, je ne sais pas si j'ai un peu répondu du coup à la question de comment ça s'inscrit au Rojava du coup, mais ouais, donc les communes, les assemblées de villages, les discussions, bon, en fait, il n'y a pas de professionnel non plus de la politique. Bon, en fait, c'est n'importe qui en fait peut faire partie de l'assemblée du village et du conseil du village. Et d'ailleurs, ces personnes-là qui sont élues démocratiquement sont 100% révocable à n'importe quel moment et en fait ont un rôle de représentativité absolue où en fait c'est pas du tout comme en France ou en Europe en général où en gros on donne notre pouvoir politique à des gens qui font que ça, mais en fait c'est des gens qui doivent représenter les décisions qui sont préalablement prises par le peuple et par les conseils en fait. Et ça s'inscrit en fait assez clairement là-dedans. Et aussi, il y a cette idée d'autonomisation. Donc en fait, je dirais en Europe, l'autonomisation et l'autonomie, ça se traduirait par de la non-mixité, où en fait, les femmes, bon, essentiellement cis, du coup, en tout cas en Rojava, se regroupent entre elles pour traiter des problèmes différents et aussi avoir une autre sensibilité et aussi pour combattre du coup le patriarcat, et c'est assez extraordinaire aussi. Et l'accent beaucoup est mis dans une politisation et une éducation avec la lutte et avec la politique et de se dire en fait on retrouve beaucoup d'idées des textes décoloniaux où en fait il faut politiser les gens à la base avec une éducation politique et aussi la culture et l'art est très très important, mais il faut une culture politisée toujours. Et donc ça aussi c'est très important. Et il y a aussi la jeunesse qui est très très importante dans le confédéralisme démocratique et dans le mouvement kurde, où du coup la jeunesse reprend une place politique forte et une légitimité aussi forte. Et donc c'est aussi ça qui est assez intéressant et je pense très important, c'est que du coup on a du coup les assemblées en mixité, les assemblées non mixtes, les assemblées aussi de la jeunesse qui fonctionnent aussi avec des assemblées mixtes et non mixtes, et en fait tous ces acteurs et actrices là travaillent ensemble et font beaucoup de travail ensemble, et du coup c'est un peu comme ça que je dirais que ça s'organise avec le peu de savoir que j'ai. Bah c'est super, en tout cas c'était très très clair et très intéressant. Et bah pour finir, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des dates de mobilisation à avoir en tête dans les prochaines semaines, prochains mois peut-être ? Alors, il y a plusieurs dates, mais que là, je n'ai pas directement en tête, mais j'invite tout le monde qui écoute ce podcast à aller sur le site internet de Cyril Dan, donc cyrildan.org, il me semble, mais c'est très facilement trouvable. Et du coup, là, il y a plein de dates avec les activités qu'on fait en francophonie, les appels à manifester, etc. Il y a aussi un autre site internet qui s'appelle Defend Kurdistan, qu'on peut aussi trouver très facilement sur internet, qui donne donc des appels à des mobilisations internationales. Il me semble qu'il y en a une dans ces prochaines semaines d'ailleurs, et donc proposer des activités, des projections, des blocages s'il faut. Enfin, vraiment, vous pouvez vous organiser sur la base de ces appels à la mobilisation internationale. Il y a aussi Rise Up for Rojava, qui donne aussi pas mal d'outils et d'appels à la mobilisation. Donc, Rise Up for Rojava, donc il y a 4 au milieu pour le fort. Et ça aussi, ça se trouve très facilement sur Internet. Et donc voilà, vous pouvez trouver toutes les informations qu'il faut sur les dates et les appels à mobilisation sur ces sites, là, en français en tout cas. Super, et ben un grand merci. Ouais. En plus, nous, on met le podcast de nos émissions après sur notre blog, La Jungle des Luttes, et on le relaie sur notre page Facebook du CSPCL, et on fera en sorte du coup de lier aux différentes ressources dont tu viens de nous parler. Super, et ben merci à toi et à bientôt, et on va faire une merci petite pause musicale. Trop bien. Başını yürüdü ölüme şimdi. getiren yıl 96. El meydanında düellosu vardı. İlk tuttu başını yürüdü ölüme. Şimdi ölüm gülümsüyor yüzüne. Saçlarına, selvi boyuna, incecik zekasını kıskanmasın Zeynep'imin. Zeynep'im oldu türkülerin adı. Tarih 30 Haziran yıl 96, el meydanında düellosu vardı. Dik tuttu başını yürüdü ölüme, şimdi ölüm gülümsüyor yüzüne. Tarih 30 Haziran yıl 96, el meydanında düellosu vardı. İlk tuttu başını yürüdü ölüme, şimdi ölüm gülümsüyor yüzüne. 106.3, la jungle des luttes, merci Messam d'être avec nous. Hier j'ai eu l'occasion de te rencontrer au CICP. Et donc, j'ai déjà entendu tout ton récit et ton expérience très intéressante et c'était très agréable de t'écouter. Et donc, on va pouvoir partager avec toi un petit moment. Et donc, je te laisse d'abord te présenter. Bonjour. Durud bar tamam jombeshay azadi bakhsh. Man Meysam Ali Mahdi hastam, az kargaran Folad Ahvaz. و باور بر انقلاب های کارگری دارم. Je salue l'ensemble des mouvements de lutte et de libération. Je m'appelle Meysam Al-Mehdi et je crois profondément aux révolutions prolétariennes ouvrières. و درود صمیمانه خودم رو به تمام آزادی خواهان میرسونم و این پیام من رو از طرف کارگران اهواز بپذیرن. Et je salue également l'ensemble des gens en lutte pour la libération et je demande à ce que ils reçoivent mes salutations de la part des ouvriers de la sidérurgie d'Ahvaz. Merci. Donc justement, tu as une expérience d'ouvrier et donc de lutte. Et hier, tu disais que justement, en Iran, nous n'avons pas... vous n'avez pas de syndicats. Et donc, la question, c'était justement, grâce à cette absence ou à cause de cette absence, vous avez été contraint à inventer et à vous organiser par vous-même. Et donc, je trouvais ça intéressant, puisque finalement, c'est une expérience d'autonomie qu'on recherche aussi en définitive. Et donc, je me demandais, voilà, quelle réflexion ça pouvait apporter, le fait de pouvoir être autonome, puisqu'il y avait l'absence de syndicat. L'absence de syndicat n'empêchera jamais une révolution. Car les syndicats sont en fait des outils de négociation avec les États. Nous croyons en la révolution. و جایی برای رایزنی با هیچ دیکتاتوری نداریم. Il n'y a pas de place pour aucune négociation avec des dictatures. و در نبود سندیکا ما تلاش کردیم خودآگاهی و خودسازماندهی رو در خودمون تقویت کنیم. Et donc dans l'absence des syndicats, nous avons essayé de promouvoir l'autogestion. Créer notre propre savoir. و تضادهایی که در درون جامعه همیشه تلاش میکردن ما را سرکوب کنند رو به شکل روح انقلابی در خودمون پرورش دادیم. Nous avons toujours essayé d'utiliser les contradictions en place dans la société pour nous opprimer et transformer cela en une sorte d'imaginaire révolutionnaire. تا بتونیم خودمون رو سازماندهی کنیم و باور به خودمون داشته باشیم. Et pour pouvoir donc de nous organiser et croire en nous-mêmes et en notre force. و این از زیست ما میاد این خودآگاهی و از تمام جنبش های خودگردانه در سراسر دنیا آموختیم که این گونه مبارزه کنیم. Cette autoconscience vient en fait de notre vécu. Nous avons également pu profiter d'autres expériences à travers le monde dans le sens de l'auto-organisation. Et c'est pour ça que nous avons toujours été inspirés par les autres à travers le monde. خودمون رو سازماندهی کنیم. Et nous avons essayé donc de dans cet espace malgré l'ensemble des moyens de répression utilisés contre nous de nous organiser. ما تشابه بسیار زیادی با جنبش ژئوپاس داریم، تشابه بسیار زیادی با جنبش مردم آفریقا داریم. Nous avons beaucoup de points communs avec le mouvement des peuples du Chiapas ou d'autres peuples en Afrique, par exemple. Y compris avec le peuple palestinien et le mouvement palestinien. Parce que notre vécu, notre existence a des points communs et de la même manière, notre lutte peut avoir des و برای همین آموخته‌های خوبی رو کسب کردیم از این جنبش‌ها. Et c'est pour ça que nous avons toujours utilisé ce qu'on a appris des autres mouvements. و فضای سندیکا یا فضاهایی که دولت در اختیار ما قرار میده، مطمئنیم وقتی میخواد این رو در اختیار ما قرار بده برای کنترل ماست. Et nous sommes conscients que l'espace que les syndicats où l'État, à travers les syndicats, essaie d'ouvrir devant nous, en fait, n'est que pour nous contrôler. Mais nous sommes toujours ces mêmes êtres humains exclus dans les structures économiques, sociales de la République islamique. Les mêmes personnes qui sont fatiguées des contrôles. Et des exclusions. و برای همین از آموختیم که این حذف شدن ها پایان زندگی ما نیست، آغاز یک زندگی میتونه باشه. Et nous avons appris au cours de notre lutte que le fait d'être exclu n'est pas la fin de notre existence, mais que cela peut être le début d'une nouvelle existence. و این حرفامو که میزنم مطمئنم تمام رفقای ما که چنین احساسی دارن رو Et je suis persuadé que l'ensemble des camarades qui nous entendent se reconnaissent dans ces phrases. Ma insanhaye ki has shodim hamishe umid be rooh mobareze darim. Les personnes exclues croient toujours dans l'espérance de la lutte. Va baraye ma inqilab mafhoum yek zindegi. Et pour nous, la révolution est une notion de vie. Va baraye hamin talash mikonim az hamin az tamam in سرکوب ها و تلاش بکنیم در درون تمام این سرکوب ها روح انقلاب و در وجودمون زنده نگه داریم. Et c'est pourquoi que malgré et pendant l'ensemble des oppressions dont on fait l'objet, garder l'esprit et l'imaginaire de la révolution vivante. و این اعتماد به ما میده که به خودمون باور بکنیم و به خودمون اعتماد بکنیم تا بتونیم خودمون سازماندهی بکنیم. Et cela nous donne de la confiance en nous-mêmes et ça nous permet donc de nous organiser. و انسان‌های حذف شده به خوبی این رو میدونن که ما جز خودمان هیچ کس رو نداریم. Les êtres humains exclus, ils savent très bien qu'ils n'ont que eux-mêmes sur qui compter. پس سندیکا هرگز نمیتونه مانع نداشتن سندیکا هرگز نمیتونه مانع Et le fait donc de l'absence des syndicats, pour nous, ça n'a jamais été un obstacle vers la révolution. و این روح خودآگاهی و خودسازماندهی روحیه که بیشتر ما رو به سمت انقلاب به حرکت در میاره. Et cet esprit et cet imaginaire issu de notre autoconscience nous approche toujours sur le chemin de la révolution. شاید ما در این خودسازماندهی یک شرکت رو سازماندهی بکنیم اما میدونیم این یه شرکت میتواند یک شهر و یک کشور و یک دنیا باشه. Peut-être que dans notre expérience et dans notre auto-organisation au sein de l'usine de la sidérurgie d'Arvaz, on peut dire que c'est juste une usine, mais cette auto-organisation peut s'épandre, peut se répandre en fait sur une ville et même au niveau d'un pays. و اینجا فاصله ما با اتفاقهای بزرگ فقط باور به خودمون هست. Et notre ce qui nous lie entre nous et les grands événements, c'est juste notre croyance en ce que l'on fait. Et donc oui, justement, les peuples de manière générale dans le monde et les peuples aussi également, donc en Iran. Tente aujourd'hui de rompre avec la République islamique et tout ce qu'il y a eu encore derrière. Et donc l'un des slogans, c'est « Femme, vie, liberté ». Donc justement, hier, t'expliquais c'était quelque chose qui parlait et pas seulement aux femmes, bien entendu. Donc si tu peux peut-être nous parler de justement ce que tu comprends de la situation au jour d'aujourd'hui, là, depuis quelques mois en Iran. به نظر من هر چی که امروز به عنوان یک اتفاق در خیابان‌های ایران در حال رخ داده است فرایند مبارزه زنان جنوبی جهانه. À mon avis, tout ce qui se passe dans la rue et en Iran, c'est le résultat des luttes passées de l'ensemble des femmes du sud du monde. و این رو میشه از خیابان ها و رفتارهای خیابانی و مبارزه زنان در جنوب جهان تفسیر کرد. Et nous pouvons le constater dans l'imaginaire, dans les façons de faire pendant les luttes, dans l'ensemble des luttes des femmes du sud du monde. ما در انقلاب سودان تصویری از آلا عیسی که بالای ماشین ایستاده بود و شعار میداد رو همه یادمونه. Nous nous souvenons tous de Ala Issat qui pendant le mouvement de l'insurrection au Soudan était monté sur une voiture et scandait des slogans. و همه ما نظریات نوار سعداوی در تقابل با مردسالاری و اسلام سیاسی رو همه دیدیم و شنیدیم. Et nous avons tous entendu et vu les idées de Nawal Sawadi. Nawal Sadawi. Sadawi. Et sa lutte contre le patriarcat. Et nous avons tous été témoins de lutte des femmes palestiniennes depuis des années. گریلاهای کرد در کوهستان با فاشیسم هم دیدیم. Nous avons vu les confrontations armées des guerrieros kurdes dans les montagnes contre le fascisme. و تصویر زیبای زنان عراقی رو در مبارزه خیابان بر علیه ستمها رو همه دیدیم. Nous avons aussi été témoins et vu tout ce que la lutte des femmes irakiennes dans la rue contre la dictature. و مبارزه زنان در افغانستان در کابل با شعار نان کار آزادی را شنیدیم. Et nous avons tous entendu les slogans scandés par les femmes afghanes à Kaboul avec le slogan pain, travail, liberté. و امروز می‌بینیم تمام این فرایندها در خیابان‌های ایران. Et nous voyons un condensé de l'ensemble de ces luttes dans les rues de l'Iran. اونجا دیگه تصویر یک زن در سودان نیست. این تصویر مکرر ما در خیابان‌های ایران می‌بینیم که زنان بر بلندی ها ایستادن و دستان خودشون به بالا بردن. Nous sommes en présence non plus seulement d'une image d'une femme au Soudan, mais nous voyons ces images multipliées par milliers. Nous voyons toujours les femmes debout, les bras levés et les poings serrés. شاید امروز نوال سعدوی زنده نیست، اما فکر میکنم با افکار نوال سعدوی هزاران زن در ایران دارن رو به مرسالاری میجنگن. Peut-être que Nawal Sadawi n'est plus en vie, mais nous voyons aujourd'hui qu'en Iran, des milliers de femmes se battent contre le patriarcat avec ses idées. و گریلاهای کردستان امروز در خیابانهای ایران در حال جنگیدن با فاشیسم هستن. Et les guerrieros du Kurdistan iranien sont aujourd'hui en train de se battre contre le fascisme dans les rues. Et صدای زنان افغانستان مرتب در خیابان‌های ایران داره تکرار میشه. Et la voix des femmes afghanes trouve son écho dans les rues de l'Iran. برای همین فکر می‌کنم امروز خیابان‌های ایران فرایند یک مدرسه مبارزاتی زنان جنوبی جهان. Et c'est pourquoi je pense que les rues, la lutte des femmes aujourd'hui en Iran sont le résultat de tout l'enseignement tiré des luttes des femmes dans le sud du monde, qui vient de l'histoire longue de leur lutte. Et nous devons donc regarder attentivement ce que les femmes font aujourd'hui en Iran. Ce que font les lycéennes, par exemple, dans les lycées en Iran. و رفقای ما در دانشگاه چگونه در تقابل با تمام سرکوب ها و مرسالاری ها ایستادن؟ Et comment nos camarades étudiantes vont combattre l'ensemble des oppressions liées au patriarcat. و با تمام فشارهای امنیتی و تمام فشارهایی که بر علیه اونا هست هنوز روح مبارزه را نفس میکشن. Et malgré l'ensemble des oppressions dont ils font l'objet, ils sont toujours en train de respirer l'air de la révolution et de la lutte. Et ils ont su aujourd'hui s'imposer dans la rue et dans l'espace public. Et ils se sont présentés et affirmés comme étant un potentiel révolutionnaire. و این پتانسیل قابلیت سازماندهی مناطق مهمی رو داره. Ce potentiel a la capacité organisationnelle à de larges niveaux. مثل مدارس، محله‌ها، دانشگاه. Comme les lycées, les quartiers, les universités. و امروز ما با افتخار میگیم حرکتی که امروز در خیابان ایران است روح مبارزه و روح انقلابی زنان اونجاست. Et nous sommes aujourd'hui fiers de pouvoir affirmer que l'imaginaire qui domine aujourd'hui, c'est l'imaginaire révolutionnaire des femmes de ce pays. و ما در کنار اونها که در تقابل با سیستم دیکتاتور nous tenons debout côte à côte à côté d'elle face à la dictature en place. و باید توجه بکنیم که وقتی صدای یک مرد میاد و میگه کتف به کتف زنان رادیکالی اونجا هستن حتما میگن خفه شو. Et quand un homme se permet de dire main dans la main ou côte à côte, peut-être qu'il y aura même des femmes qui vont lui dire ferme-la. ولی باید اینو بدونن که من صحبت از درد مشترک میکنم. Mais il faut qu'on sache que je parle de la douleur commune. و احساس حس شدن رو میفهمم. Je connais le sentiment de l'exclusion. ما به عنوان کارگران عرب در ایران احساس کردیم چگونه حس میشیم. Nous avons constaté comment nous avons été exclus en tant que travailleurs arabes. و این بهره کشی از انقلاب نیست، بلکه از صحبت از درد مشترک است. Et ça, ce n'est pas d'essayer de profiter de mouvements, mais c'est parler de la douleur que nous avons tous en commun. Car nous sommes conscients du fait que la libération, l'émancipation est un travail collectif. À la jungle des luttes, donc vous écoutez toujours Maïsam qui nous parle de l'Iran, des possibilités de la révolution, et donc on continue avec lui, merci. Justement à propos d'une révolution et d'une possibilité que les peuples s'émancipent, il y a aussi cette nécessité de se regarder, de regarder là où on en est les uns les autres et comment on est effectivement chacun différent et reconnaître les discriminations éventuelles, le racisme justement aussi. Et donc, pour pouvoir construire ensemble, il faut pouvoir s'asseoir et regarder, discuter. Et donc, voilà, ma question, c'était justement où on en était aujourd'hui en Iran et cette capacité à l'autocritique aussi, que je trouve intéressante dans ce que tu proposes. یکی از مهمترین نقش‌هایی که سرمایه‌داری در برخورد با ما انجام میده. Une des choses les plus importantes que le capitalisme fait face à nous, c'est nous diviser en s'appuyant sur des privilèges qui lui-même il décide et qu'il organise. Cela peut être ces divisions peuvent commencer ou partir par exemple des comptes en banque. Ou en fonction du genre. Et il y a des genres qui peuvent être considérés comme outils et d'autres considérés comme étant forts. Et considérer un peuple supérieur à un autre. Mais nous qui croyons que le pouvoir doit aller d'en bas vers le haut et émerger d'en bas, nous devons désarmer en premier lieu le capitalisme. Mais ce désarmement n'est pas en fait vider leur compte en banque. Belkin, un imtiazati que be ma insan ha daden bar mabnaye millet, jinsiyet, un adessechon de kishin biron. Mais en fait, c'est vider ces points qu'ils ont accordés à différentes parties de la population et les dépasser. Hatta in raftar bayad az payin be bala bashe. Et ce mouvement même doit s'opérer de bas en haut. Yani chto. Yani inke ma waqti migim kargaran taht sitam ya millal taht sitam avval un taht sitam budan ro be rasmiyat beshmari. C'est-à-dire que quand on parle par exemple des travailleurs opprimés ou des peuples opprimés, il faut d'abord reconnaître l'oppression dans leur cas. Et cette croyance peut jouer un rôle très important dans l'auto-organisation. En zaman est que mishavad yek miziro baraye guftugu ijad kard. C'est à ce moment-là que nous pouvons réunir les conditions nécessaires à une discussion. Vali in miz mize chobayad kard nist. Mais ces conditions ou cette table de discussion n'est pas une discussion autour de que faire. Avvalin mize guftugu mize sohbat dar morde dardhay insanhay hast shode ast. La première table de discussion, c'est une discussion autour des douleurs et des souffrances des personnes exclues. Waqti be un natija rasidim ke ma darde yek digar ro dar kardim, an moq ast ke zarurat ha ta'yin mikone ma be kodom taraf harakat mikone. Et c'est une fois que chacun de ces parties ont reconnu l'existence et la douleur vécue par l'autre que nous pouvons ensuite constater la nécessité de la lutte d'ensemble. Les besoins ne sont jamais marqués dans un livre. Mais le besoin se manifeste à travers le vécu de chacun. Et ce vécu ressort de la compréhension de l'un envers l'autre. Pour qu'on puisse arriver au point de se reconnaître égal à égal. Et le moment où on arrive donc à se reconnaître d'égal à égal, on va constituer à ce moment-là une masse importante et forte. Va un nokte taqabul nokteye ke sarmayedari va diktatori ha ro khal eslah kardim. Et c'est à ce moment-là que si on arrive à ce point, dans les faits en fait, on a désarmé le capitalisme. Az haran chizi ke be unvan imtiyaz ha be ma dadan va ma ro taqsim bandi kardan va ma ro bar in baver resundan ke ma yeki az digari behtar ast. Et donc l'ensemble des points et des privilèges dont il se sert pour nous diviser, pour nous faire croire que l'un est supérieur à l'autre, et l'ensemble de ces points et ces privilèges n'est fait que pour l'exploitation. Et justement, je rebondis sur ce que j'avais entendu hier. Justement, tu racontais donc qu'effectivement, il fallait qu'on écrive notre histoire, la lutte, et que c'était donc un processus dans lequel on apprenait, qu'on avançait en apprenant, et que justement, il fallait l'écrire. Donc, on parlait du mot littérature, et donc justement, on n'entend peut-être pas forcément comme ça, là, tout de suite, à quoi on pense. Du coup, moi, je me disais que ça correspondait à cette phase post-idéologique où aujourd'hui on n'est plus dans de l'idéologie, dans quelque chose de construit et à mettre en forme, mais justement quelque chose à inventer en permanence. Ce qui permet aussi de peut-être pouvoir se tromper. En tous les cas, ça, on l'avait pas très dit tout à l'heure. Mubarizé khiyaban chiz ta'rif chode nist. La lutte directe dans la rue n'est pas une chose prédéfinie. C'est pas quelque chose que tu reçois de quelqu'un qui t'a préparé un paquet par avance. Ma dar mubarazat tabaqati bavar barin darim ke inqilab misl yek insan nafas mikashad. Nous croyons que dans la lutte des classes, la révolution respire comme un être humain. Zindas rah mire. Il est vivant, il marche. Ehsas dare. Il sent. Pas waqti chon chara in tur be inqilab nigah mikuni. Et je vais vous expliquer pourquoi je regarde la révolution de cette manière. چون انقلاب متراکم از انسان‌های متعددی هست که توی خیابون به حرکت در میان. Parce que la révolution est faite par des gens qui se mettent par de nombreuses personnes qui se mettent en mouvement dans la rue. یک انقلاب از کودکی شروع می‌کند، راه رفتن، چهارده سپارا میره، بزرگ میشه، نفس می‌کشه. Une révolution commence comme un nouveau-né. Il marche d'abord à quatre pattes et petit à petit, il se met debout et il marche. Jusqu'à devenir mature. Quelqu'un qui commence de cette façon-là, et qui arrive finalement dans un mouvement dans la rue, peut-être que au début on ne fait que se regarder. Peut-être que à ce moment-là, il n'y a que les peurs qui apparaissent dans le regard. Comme un enfant qui veut pour la première fois, qui veut faire le premier pas. Et ensuite, on fait ce premier pas. On se donne du courage. Le premier mot à ce moment-là peut être maman ou révolution. Petit à petit, on commence à parler. Et c'est l'ensemble de ces paroles qui deviennent en fait le discours de notre révolution ou la littérature même de notre révolution. Nous mettons en marche pour que les idéologies soient écrites. Mais nous ne vivons pas pour les idéologies. Mais nous nous mettons en marche dans la rue pour que les stylos se mettent à écrire. Et qu'ensuite, il parle et il raconte notre révolution. Et c'est comme ça que, pas à pas, notre littérature, notre discours et notre révolution prend force. Et peut-être qu'un slogan se tient au coin de la rue et qu'il traduise toute la révolution dans un poème. Et peut-être qu'un écrivain se tient à une fenêtre et qui voit l'ensemble de ce bouillonnement qui est notre mouvement. Et qu'il écrira à propos de notre révolution. Et c'est comme ça que notre littérature sera écrite. La révolution a une âme. Et c'est une âme qui est d'une beauté et d'une pureté. Parce que pour nous, la révolution, c'est l'émancipation. C'est sortir de l'ensemble des mépris, des oppressions et des discriminations dont on a été victime. Jusqu'à ce qu'on puisse imposer à ceux d'en haut notre littérature et nos structures qu'on veut mettre en place dans la société. Vive la révolution. Alors, on aurait pu parler encore de plein de choses, mais on va rester sur ces trop belles paroles. Merci à toi d'avoir été avec nous et je te laisse la parole pour les derniers instants avec toi. قبل از اینکه تموم بکنم و درود بفرستم بر همه دوستانی که دارن صدا و رفقایی که صدای منو میشنون. Avant de mettre fin à notre discussion et saluer l'ensemble des camarades et des amis qui sont en train de nous écouter. پاریس نه شهر عطرگلانه، نه شهر زیبایی هاست و نه شهر رمانسی است. Paris n'est ni la ville des eaux de Cologne, ni la ville des beautés, ni une ville romantique. Paris est devenue la ville des sans-papiers. Et je profite de l'occasion donc pour saluer l'ensemble des amis et des camarades qui lutte pour en solidarité pour l'émancipation. Va na wa na umid shod chun mubarize ba'zi az insan ha hastan ke nafas kishidan ham baraye unha mubarize ast. Il ne faut jamais désespérer parce que il y a certaines personnes pour qui le fait même de respirer est devenu une lutte. Be ma arqam nemidan kart nemidan tamar nadide begiran. Ils ne nous donnent pas de points, ils ne nous donnent pas de papier pour pouvoir toujours nous exclure un peu plus. Mais nous, avec notre lutte, avec notre musique, avec notre gaieté, avec notre beauté, nous donnons vie à la rue pour dire que nous sommes toujours en vie. زنده باد مبارزه تمام شما انسان هایی که بدون برگ هستین. Vive la lutte de l'ensemble des personnes sans papiers à travers le monde. زنده باد مبارزه تمام شما انسان هایی که همیشه تلاش میکنن نادیده مون بگیرن. Mais même vive la lutte de tous ceux qui essayent de nous invisibiliser. اما ما وجود داریم، مبارزه میکنیم و تا پیروزی هر روز قدم هامون استوارتر میشه. Mais nous existons, nous luttons, et jusqu'à la victoire, nos pas deviennent de plus en plus déterminés. Vive l'égalité. Merci beaucoup, et on se quitte sur ces très belles paroles. Merci à toi. Merci et à merci toi. À Matt pour la traduction, surtout. Merci. 106.3, la jungle des luttes. Donc vous êtes toujours sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. On est sur la fin de notre programme. On voulait vous partager des paroles qui ont été exprimées le samedi 18 mars 2023 par des familles victimes des violences policières. Et donc une manifestation avait été effectivement organisée par le réseau d'entraide Vérité et Justice, qui donc a appelé dans l'ensemble des villes et de tous les pays. C'est, ça répond effectivement à un appel qui avait été déjà fait depuis le Canada, de Montréal, depuis 27 ans, donc cette journée du 15 mars, journée internationale contre la brutalité policière. Et donc il y a eu cet appel qui a été relayé déjà depuis 2011. Et donc là, cette année, on a demandé effectivement à toutes les personnes à se réunir. Et donc pour faire de cette mi-mars un moment de convergence de toutes les personnes victimes de violences et des crimes de l'État. Donc cette année, le réseau d'entraide Vérité et Justice, constitué donc des familles et de victimes tuées par la police et la gendarmerie, de familles qui ont perdu un proche, tué en prison ou suite à des disparitions forcées et de personnes blessées et mutilées par les forces de l'ordre, porte de l'organisation de cette journée avec des collectifs féministes, antiracistes, antifascistes, fascistes, anticolonialistes, des personnes exilées, de sans-papiers, de collectifs en lutte contre les violences et les crimes de l'État. Merci à elles de nous partager leurs paroles. On vous propose donc de les partager. Nous serons bientôt à la fin de l'émission. On est toujours sur FPP 106.3. Merci de les écouter. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour dénoncer les violences policières, mais aussi de gendarmerie en Guadeloupe, en Martinique, que nous appelons les gendarmes coloniales. Ils ont tué, ils ont assassiné Claude Jean-Pierre. Et nous demandons un procès afin d'avoir justice et réparation. On dénonce le non-lieu que le procureur de la Guadeloupe a annoncé. Il est inadmissible qu'en ayant des vidéos de plus qui démontrent l'assassinat fait par les gendarmes à Claude Jean-Pierre ne soit pas impuni. Nous dénonçons le traitement de la Guadeloupe et de la Martinique par rapport au non-lieu, au chlordécone notamment. Pour qui ils nous prennent? Nous, les Afro-Caribéens, les habitants des Outre-mer, pour qui ils nous prennent? Nous, les départements français des Outre-mer, ils nous prennent encore pour des colonies. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et nous ne le laisserons pas faire. Donc ensemble, aujourd'hui, nous allons rendre hommage à toutes les victimes d'État de la systémique raciste. Oui, il faut le dire encore, c'est une systémique raciste et colonialiste. Justice à Claude Jean-Pierre! Justice à Claude Jean-Pierre! Justice à toutes les victimes! Bonjour à tous, je suis Valérie, la maman de Yanis, de Justice et Vérité pour Yanis. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2021, mon fils a eu un accident sur l'autoroute de la 1 à Saint-Denis après avoir été pourchassé par la police. 21 mois après, personne ne m'a contacté, ni même convoqué, pour me dire dans quelles circonstances s'est passé l'accident. Moi et mes enfants sommes dans le flou et remettons en question la thèse présentée par la police le lendemain de l'accident dans la presse. Plongé dans le coma, mon fils s'est battu pour sa vie durant 49 jours. Le 3 juin 2021, il nous a quittés des suites de ses blessures. Le 4 juin 2021, nous avons fait un repas commémoratif en hommage à Yanis. Ce jour de deuil a fini en guerre. La police est intervenue à 21h05 pendant que toutes les familles rentraient chez eux. Nous avons été victimes de tirs de LBD et de grenades de désencerclement. Noyé sous les gaz, mon fils de 17 ans à l'époque a eu la main écrasée car un policier a shooté dans une porte alors que sa main se trouvait là. Des jeunes du quartier mineurs et majeurs ont été arrêtés. Tous les habitants du quartier de la Plaine-Saint-Denis venus rendre hommage à Yanis le 4 juin 2021 ont été horrifiés par le comportement de la police et par ce qu'il s'est passé dans notre quartier. Une plainte a été déposée à l'IGPN concernant cette veillée. Concernant l'affaire de l'accident provoqué par la poursuite abusive, la justice m'a laissé sans réponse pendant 700 jours, soit presque 2 ans, des délais trop longs pour les victimes, pour les familles de victimes. Trop long pour permettre le deuil, et c'est grâce à la mobilisation des personnes, des soutiens, mais aussi l'action de mon nouveau avocat qui fait bouger les choses. Cette semaine, j'ai été reçu par le doyen des juges. J'attends donc l'ouverture d'une instruction pour obtenir la vérité sur l'accident de mon fils, afin de lui rendre justice. Je remercie le réseau de toute l'aide qu'ils m'ont apportée, tous les collectifs, toutes les familles de violences policières et tout le quartier de la Plaine-Saint-Denis pour leur soutien, que justice et vérité soient faites pour tous. Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour Yanis! Justice pour toutes les familles! Justice pour toutes les familles! Bonjour tout le monde, je m'appelle Awa Gay, je suis la sœur de Babacar Gay, je viens de Rennes. Mon petit frère, Babacar, pardon monsieur, bonjour. Aujourd'hui, c'est aussi la journée de la marche, les réseaux entre-aide, entre nous, les familles endeuillées, parce que c'est important pour moi, je viens comme chaque année. Babacar, c'était mon petit frère, il avait 27 ans. Qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre 2015? Mon petit frère Babacar, il faisait une crise d'angoisse, c'est son ami. Son ami, il a appelé les pompiers pour avoir aide. C'est là-bas qu'ils sont embarqués en mode de guerre, sans chercher à aider mon petit frère Babacar. Ils ont tiré sur Babacar 5 balles 100 fois, sans chercher à l'aider. Ils ont détruit les preuves matérielles qui sont gardées dans les scellés pour que je ne veux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et je sais que les scellés, ils restent longtemps. Mais ils ont détruit ça, soit disant c'est une erreur parce qu'ils ont fait une tri des anciens scellés et c'est pas normal. Mon frère, le jour-là, il a besoin d'aide, il n'a pas besoin de la BAC, il a besoin de soutien des pompiers qui sont arrivés en première. Mais non, ces 8 polices de la BAC, ils ne sont pas cessés à aider mon frère qui s'est mutilé avec un couteau de table. Qui ne peut pas percer un gilet par balle. Ils ont tiré sur mon frère 5 balles 100 fois. Mon frère, il a reçu 5 balles en haut de son corps et une balle dans les fesses gauche. Depuis 7 ans, cette année, je n'arrête pas de lutter pour mon petit frère Babacar. Bien sûr, je ne veux pas parler sans penser ce qui se passe mon pays aujourd'hui aussi au Sénégal. Par rapport à Macky Sall, le président qui est là actuel, Moi, je ne suis pas Macky Sall, je ne suis pas Assonko, mais je suis Babacar. Moi, je suis Babacar. Donc, au Sénégal, les présidents sont corrompus par l'État français. Au Sénégal, c'est à cause de Rabat. Aujourd'hui, la France, elle est devenue la France. C'est les tirailleurs sénégalais qui sont battus contre les Allemands. Contre tous les pays qui sont luttés contre la France, c'est nous qui sommes battus. On essaie, nous, mais on nous écrase, on nous tue comme des mouches. Là, aujourd'hui, l'État sénégal, Macky Sall, il n'arrête pas de tirer sur les gens là-bas. Hier, il y a trois morts. Il y a trois morts. Il y a trois morts là-bas. Moi, je suis là, mais je suis Babacar. Parce que c'est la même police qui nous tue, c'est la même police qui nous assassine. Ils sont tous pareils. Merci. Pas ici, pas paix. Babacar, on n'oublie pas, on pardonne pas. 106.3 FPP, donc c'était la jungle des luttes. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain, troisième lundi du mois, en direct de 19h à 20h30. Merci à tous. La lucha sigue, Zapata vive.